Bah, c'était plus la facilité, et puis c'était enfin ça m'a permis de créer ma chaîne YouTube en même temps. Enfin Ok. voilà. Bon, parce qu'en plus Yes. j'avais beaucoup réfléchi à ça avec Samuel, on a discuté, etc. Pour vraiment sortir la chaîne, etc. Donc Yes. c'était vraiment une Puis en bonne même temps, occasion. faut dire, ça nous a permis aussi de relayer à travers une playlist tous les morceaux sur lesquels tu as fait une collaboration. Donc là, on a déjà toutes les collaborations avec TO2S sur le projet Heatwave qui sont aussi relayées sur la page YouTube. Ok, d'accord. T'as Donc tout voilà. mis en lien en même Ouais, dans une temps. playlist. Ok, si, si. Si, si. Et ça t'a donné envie, peut-être éventuellement, de partir dans d'autres délires, je sais pas. J'avais pensé, tu vois, aux musiques de manga, tu vois, ou musique des films d'action, tu vois, j'en sais rien, tu vois, vu que t'as fait musique de films d'horreur. Ouais, moi ça, par exemple, j'ai déjà fait hein, avec du manga, notamment SNK, donc Yes. l'attaque des Titans. Ok. Voilà, j'avais pris l'ending, j'avais ressemblé, et puis voilà. Et même à l'époque, j'étais vraiment très inspiré manga de base. Ok. Vraiment, j'étais totalement dans ça, c'est ça qui m'a suivi. Si, si. Naruto, Mangekyou Sharingan. Ouais, Naruto. il y avait Naruto. Je suis beaucoup inspiré de ça aussi. Puis après, avec le temps, j'ai commencé un peu à me détacher de ça, de voir, enfin, avoir une vision plus large. Ok. Donc toi, t'es un mec à défi, là. Ouais. Là, t'es Lui dis pas ça, hein, en... lui dis pas ça. Hein. Je te dis d'avance. Non, Lui dis pas cool. ça, gros. Là, t'es en quoi? T'es en mode moi court ou alternance là? Hein? Là, t'es en mois d'alternance ou de cours là? Bah Pour là, le mois non. de décembre. Là, c'est... normalement, la semaine là, c'était alternance. Ouais. Comment dire? Donc à Radio France, et là, la semaine prochaine, c'est cours. Ah, c'est semaine par semaine, t'as pas dit au Non, mois. non, non, c'est au mois. Hein. Ok. C'est juste que là, on arrive en fin de... Donc en décembre, en question, en Ouais, décembre, voilà. t'es encore en décembre, t'es cours ou alternance? Ça, je sais plus trop, je Bah, t'es en t'avoue, j'ai cours, hein. pas trop regardé. Mais Pourquoi? normalement, je suis en cours, Pourquoi? hein. Hein? Pourquoi tu poses cette Bah question? non, après la question c'est t'as plus de temps libre quand t'es en cours ou quand t'es en alternance? En fait, je dirais que c'est plus en Et il alternance. va te foutre un défi, Bah gros, je te le non, dis là. bah ouais, s'il a dit qu'il Il aimait va bien les dire, ouais, défis. c'est enregistré, Bah bien sûr nanana, c'est t'es enregistré, il y a des obligé. podcasts, on va te faire sortir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est. Enfin. Ouais, en général, c'est vraiment quand je suis en alternance, tout ça, quand je travaille à Radio France, que j'ai le plus de temps, parce que je fais par exemple des horaires tels que 14h minuit, et puis le lendemain, par exemple, j'ai le temps pour travailler, parce que c'est assez spécial en fait. Par exemple, je peux travailler 3 jours avec des horaires de malade, et puis tout le reste de la semaine, je suis tranquille, quoi. Okay. Ça peut m'arriver ça, mais bon, après, en général, je me repose, et puis Tranquille, si je peux tranquille. faire une prod ou deux, voire 3-4, ça On dépend de va l'inspiration, quoi. trouver un petit défi là. On va trouver un petit défi, t'inquiète. Tu vas le relever, de toute façon, t'es un mec à défi. Ah ouais, mais après j'ai pas dit que. Ah, ça commence à bégayer. Ah non, non, non, mais. T'inquiète. On a Non, l'écoute, on a l'écoute. je vais trouver un petit défi, t'inquiète. Bah vas-y, pas de soucis. Ouais. Je t'avais dit, hein, je t'avais Tu dit vas me faire une de pas prod. répondre à sa question, Tu vas mais me faire bon, une prod tant pis avec pour toi. Marvin Gaye. Tant pis pour toi. Tu vas me faire une prod Il est pas prêt, il est pas prêt. Il est pas prêt. Je l'ai Pas déjà prêt. entendu, je l'ai déjà entendu. Donc pour ceux qui veulent écouter le The Horror Beat Tape, donc il y a 5 prods, je me trompe pas, c'est 5, hein. Ouais, Il y a 5 prods sur sa chaîne YouTube Waybee, aka Younes Beats officiel. Donc je résume, il a pris des samples de films d'horreur et il en a fait des instrus. Et il y a du lourd, hein. Je crois qu'il y en a une que t'as mis dans le freestyle là, elle est costaud celle-là. Je vois laquelle c'est là, Behind the Mask. Ouais, Behind the Mask. On la met. La somme de scream, c'est ça, voilà. Et est-ce que t'as des projets là en cours? Est-ce que t'as d'autres projets là qui arrivent ou pas du tout? Ou tu bosses sur quoi en ce moment? Ah, pour le moment, Je suis là. bosse Hein. des prods vraiment de façon aléatoire. Peut-être que ça va former peut-être un futur projet. Yes. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Et on va dire que je vais réfléchir Ok. un peu sur tout ça. Tu travailles aussi avec Shao pour son projet. Il Ouais. faut le dire. Il a pas En arrêté secret. le rap show. Parce que, voilà, mes échos, c'est que Chao a arrêté le rap. Enfin, il sort son dernier truc, la Yukuri, là, puis ciao après. Donc, toi, Ah, vous les êtes gens, ils veulent m'enterrer. T'es dans les Putain. confidences, t'es. Ça fait plus de 10 ans qu'on veut m'enterrer. Putain. Tu À places des chaque sons fois, je pour Chao. reviens. Attends, Je sais pas pourquoi. pose des Voilà. vrais Même moi, je questions. m'accroche à la branche, mais je sais même pas Tu pourquoi. places des sons pour Chao, là. Maladie. Ouais, je vais vraiment essayer C'est de une passer. maladie. Ah, c'est pas fait encore? Moi, je vais Si, essayer. si, Non, non, non, il y en a non. déjà qui ont été envoyés, mais je vais essayer encore. Ok. C'est ça. Ok. Eh ben, il revient. Dans 3 ans, tu t'imagines comment dans 3 ans là? Je suis là. Hein. Avec tous tes projets, tout ça. Franchement, dans 3 ans, je sais pas vraiment, mais ce que je vis, c'est vraiment essayer de vraiment produire un gros artiste. Et ouais. Voilà, je vais essayer d'avoir vraiment le disque d'or. Ça, c'est, ça serait mon rêve et je veux l'accomplir, tu vois. Si, mais, si. Mais tu sais que c'est totalement possible. Tu sais, parce que je regarde un peu des fois sur YouTube, il y a des trucs là maintenant, ils font des focus sur les beatmakers. Ouais. N'importe qui maintenant peut péter en fait. Ouais, tellement il y a d'artistes, oui, tellement il y a de. Ouais. N'importe quel beatmaker. Les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Hein. C'est ça, un truc de ouf. Hein. Donc vas-y, je vais te faire signer chez Def Jam. Def Jam Besançon. Def Jam Besançon. Ouais, ouais, ouais. Attends, ah non. J'ai la question de Def Jam Besançon. Je sens des questions là, piquantes là. On la connaît celle-là. Non, bah oui, on la connaît. Tu lui poses quand même ou pas? Hein, non. Tout de suite. Ouais. Non. En rap français, c'est lequel ton artiste que tu détestes? Genre que tu peux pas écouter. En local ou en... Non. Ah, si tu veux donner des dons locaux, vas-y. Je donne pas de nom. C'est juste... je donne pas de nom du tout. Hein? Ok. Je vais juste poser la question. Non, en rap français, comme ça, voilà, c'est pas le but non plus de créer des embrouilles. En rap français, qu'est-ce que t'aimes pas? Younes. Non, en réalité, en rap français, qu'est-ce que t'aimes pas? Disons que je suis pas très fan de ce que fait un peu Jul, mais... Ok. Mais tu sais faire ce genre de prod? Enfin, ouais, je pourrais. Okay. Genre, j'en ai peut-être fait une seule, mais... Oh, t'as pas trop, tu devrais y arriver. Ça m'a pas trop inspiré en fait. C'est juste que ça m'a pas inspiré. Après, peut-être. Vas-y. Def Jam Besançon se dit, gros, baby, j'ai besoin de toi sur ce créneau-là. T'arrêtes tes conneries là de machin, de Heatwave, de Théo2S, de. Arrête tout. Tu me fais que du type Jul. Type du. Oh, salut, ça va? Y a quoi en échange? Ah, je te donne 1000 balles. 1000 balles la prod. 1000 balles la prod? Ouais. Direct, hein. Direct. Vas-y, hein. Moi, je m'en fous si je peux faire des prods comme ça. Ça, normalement, c'est la question à 1 million. Là, je l'ai baissé à 1000. Toi, t'es. Il y avait beaucoup d'hypocrites autour de cette table. Hypocrites. Là, tu prends 1000 balles. C'est bon. Bien vu. Attends, c'est d'où on vient, nous, hein? Ah, non, mais oui. Non, ah, bah oui, c'est non, ça. Ici, il y a déjà eu des gens, on leur dit, ouais, 1 million. Non. Ouais, mes gars. Non. Ils sont trop habitués aux produits de luxe, tu vois. Non, ok. Hein? Il manque bien. Ah, mais bien sûr que c'est des mythos, gros. Même moi, tu me donnes 50 balles, j'y vais. 50? C'est léger. Pour aller, gros. Ouais, c'est pour un feat ou je sais pas quoi, c'est que de la musique, tu vois. On est là pour s'amuser. C'est pas faux. Donc, s'il y a un bif en plus, bon, 50, j'abuse aussi. Quand même. Donc, 1000 balles, ok, vas-y, je te fais ton contrat après. Vas-y. ok, bon. Pourquoi pas, Younes? Pourquoi pas, hein? Ouais, on est là. Hein. Je sais pas, il parle comme s'il faisait encore du rap. Je sais pas. Non, je suis dans la gestion. Ah, moi, je me rappelle de Diez 31 Diez. Ok, voilà. Celle qu'elle est posée. Ok, bon, on va revenir à YB. Je vais faire un. Ça me fait bien. un large résumé, parce que là, on arrive à la fin de l'interview. Il est 23h08. Il y a à peu près 120 personnes dehors qui attendent pour freestyler sur tes prods. Donc pour résumer, YB, jeune beatmaker belfortin de 17 piges, donc entre Belfort et Paname pour ses formations à l'INA. Big up. Pour l'Instagram, YB aka YounsBeats. Oui, tu veux faire sa présentation? Non, j'avais une autre question qui... Vas-y. Tu prends souvent des photos avec des femmes? Enfin, des... C'est quoi cette question? Tu prends souvent des photos avec des femmes? Non, il y a eu plusieurs fois, je me suis connecté, je te vois en mode selfie avec des jeunes femmes. Ah bon? Ouais, c'est hein? C'était hein? Des artistes. J'en sais rien, moi, je la connais pas, moi. Sheila, je suis un Sheila, j'en sais rien, moi, c'est qui Sheila, moi? Moi, je dis c'est d'ethminique, hein, ce que tu fais. Donc, non, pour de vrai, deux, trois fois, je me suis connecté, je te vois en selfie avec des femmes, tout ça. Mm-hmm. Et pas que. Oui. Bien sûr, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre côté. Il se passe quoi à Radio France là-bas? C'est quoi cette histoire-là? Bah, en gros, en fait. Tu peux venir ou pas? Bah, je sais pas, hein, si t'as le moyen de venir et que je trouve une place pour toi. Vas-y, on va arriver. Non, mais comment ça se fait que tu côtoies. Bah, parce qu'il est à Radio France en fait. À Radio France, il y a du beau monde qui passe. Hein. Mm-hmm. Lompal, Nino, Sheila. Ouais. Mais... Du beau monde, hein. Mm-hmm. Ok, tu veux pas me répondre, toi? Je sais pas, je pense qu'il a répondu pour moi, tu vois. Ok. Peut-être qu'il a pas envie de te voir à Radio France aussi. Hein. T'es bien Radio Sud, Radio Sud, gros. Hein? Moi j'ai rien dit. Hein. Ok, vas-y. On parle entre vous, hein, pour le moment. Continuera à surveiller tes réseaux.

des amis adoles. La meilleure c'est ma gauche, je veux la mur, c'est la gauche. Fils de pute, t'es la gueule, le repeu, t'es la gueule. Des portes dans le berlin, la gauche, vise le but. J'ai les pieds sur terre, t'es à l'eau. J'suis dans l'est, t'es à l'ouest. Quand j'étais en haie, j'ai jamais crié à l'aide. Pourquoi faire un vœu quand c'est moi qui le réalise? Quand je viendrai à toi, faudra pas crier à l'aide. Tu viens d'emménager, mais faut faire tes valises. Tout, t'as me contre à la mort, à quoi bon sert d'être balèche? J'ai 25 balèzes, dessus j'vous verbalise. Nique-toi ta grosse baleine, et si vous êtes banni? Pas d'alliance, ne crois pas au Bayern. Envie de braquer une banque comme les frères Barry. Dis-moi où est le bon chemin, poteau, tout est pareil. Pour moi, tout est carré, toi tu suces les carrés. Et ton petit, j'ai racaillé. J'veux compter les thunes, ouais, qui t'a paillé? Ce jeu maudit. À la barrière, j'suis pas blindé, j'suis pas baron, j'suis juste daron, j'vais faire carrière. Tu nous dénigres, puis tu nous caresses, y'a rien qui est réel, c'est seulement que du paraître. On t'a mis comme le réel, puis on t'insulte comme Aurier. J'suis la lune qui vient éclairer, pour toi j'suis comme Aurier. Parle pas trop quand tu connais rien, tu comme ces conneries, tu te rappelles comme Aurier. À la tête son aigrier, donc je vais finir ouvrier. Là j'ai raté le virage, j'en attends pas de miracle. Ton bateau va chavirer, j'suis avec tous mes pirates. J'ai l'arsenal de pirates, on vient pour tout l'empire. On est clopé les Sarkozy, il est cardiaque Chirac. Tu demandes c'est qui rappe, tu demandes c'est qui rappe. J'suis avec tous mes drogués, et toi avec tous ceux qui rappe. De la souffrance, voilà tous ceux qui restent. Touche à la mif, direct j'irai tirer. De la souffrance, voilà tous ceux qui restent. Touche à la mif, direct j'irai tirer. C-O-M-O-R, ouais. Depuis petit peu, on veut ramasser les sous, mais on dit que la branle est rendrait sourd pour un sticker. Tu te ton cul et ta sticker. Suisse boule, toi t'es pas un kicker. Facebook, y'a ton gamin qui pleure. Il pleut des balles à Nora qu'avant qu'il pleure. J'ai senti bien l'orage, ouais, sauf qui peut. Je m'en fous de l'oracle, tu vis seul que l'oracle. Ne sois pas honorable à la street. J'dis que je suis qui obi, là j'ai dit que personne n'arrêtera un arrêt du cœur. Pharaon se prend pour Dieu au bord du cœur. Le sionisme et la terre sont producteurs. Petite frappe, t'as commis l'adultère. J't'affronte là pour le haram, on a du flair. Prêt à tout pour l'argent, on prend du fer. Nous invite pas à ta soirée où on vient à 10. J'veux le gamin avec dans le gueule, mais augmenter la mise. J'm'imagine avec un pétard à l'hôtel à Nice. Viens pas chaler vers moi si mes potes te l'ont mise. La qualité du shit, ça, c'est ce que l'on mise. Billets violets, billets jaunes, abus économique. Tu vois que la France est un pays qui colonise. Christophe Colomb ou pas, je m'en fous de ces conneries. Hey, stop, stop, j'ai nickel game. Si tu veux un bon job, vas-y fais le game. On est toujours dans la 25e, il est 23h17. On entre dans le freestyle, il y a plein de monde, il y a plein de monde, il y a plein de monde. On est au moins 20 dans le bordel. Je vais commencer à mettre les prods, ceux qui veulent s'approcher, il y a 3 micros, il y a 3 casques. Donc faut pas hésiter à venir, à balancer le bail. On est là jusqu'à minuit, je pourrais pousser un petit peu s'il y a du monde qui est chaud. Waybi, on est parti, j'envoie le freestyle ou quoi? Vas-y, en pense. Fait, on entend encore l'instru. Bah là ça arrive là, j'attends que les gens s'installent aussi. Non, mais l'instru qu'il est en train de faire. À la fin du freestyle. Comme ça même lui s'il veut s'installer à côté, tout ça, tu connais. Yes, bon, il y a du monde qui rentre. Moi, j'envoie les prods. Et c'est parti. On est dans la 25e. C'était l'émission spéciale Waybi ce soir. Il nous a concocté des prods de partout. Installez-vous, il y a du monde dans les studios, Radio Sud 101.8, radiosud.net, tous les jeudis, la 25e jusqu'à minuit. Il y a Belfort, il y a Bezac, il y a Evry même qui est là aussi. Skis. Oh les gars, faut s'installer, venez autour des micros les gars. N'hésitez pas, faites pas les timides. Session freestyle dans la 25e. Oh, je vais switcher, hein. Voodoo. La 25e. Session freestyle jusqu'à minuit et plus. Plus si affinité. Oh. Ma game fellation après sodomie. Dans la pièce y'a tous mes OG. Dans la veste plusieurs coloris. Dépense tout fuck l'économie. Ce qui se forie l'insta follow me. Trace de sang sur mon polo gris. Oui du crime c'est l'apologie. J'suis Drago t'es Apollo Creed. Reste une piste bientôt dans les bacs. Bientôt dans les flats, bientôt dans les trachés. Je récidive si j'ai pas les fans. Très dans le pack fais des sachets. Bastos t'es en PLS. Cœur noir comme le CLS. Donne de l'espèce plus d'espèce. J'crie alléluia comme dans BMF. Fais l'espèce fais la moula. Fais l'espèce fais la moula. Fais l'espèce fais la moula. Comme dans BMF, alléluia. Fais l'espèce, fais la moula. Fais l'espèce, fais la moula. Fais l'espèce, fais la moula. Comme dans BMF, alléluia. Débarque sur scène comme un fou. Ah, faut s'y connaître si je veux le pouvoir. Fesse tout, fesse pas de coup bas. Cut cut et je donne au DJ un pourboire. Prends tout le game, il est pour moi. Je gratte couplet dans un grimoire. Je gratte tard, extra. Tête de weed dans le poche tard. Des lianglis de mon yanclar. Pas de tant pis, je veux ma part. Un souci, t'as ton papa. T'as tout dit devant les stars. Les langues se délient dans un délire. On vit dans le déni. Chut, il faut rien dire. J'prends mon bif et t'as parlé à Darren à l'abri avant de quitter la terre. On fait la diff, t'es d'accord, on a grité MC qui se prétend de rappeur. Enfant terrible, on m'évite dans la cour. J'suis le fruit de ce qui se passe dans le décor. Les meufs, tu connais, c'est la pipe ou l'amour. Pour le cacher, ne font pas un effort. C'est une crasseuse, elle veut que je la ken. T'as de ton côté, j'sais que tu l'harcèles. J'ai pas la toucher, je te la laisse. Tu traites sur la fin comme Arsène. Fais gaffe à tes dires et tes faits. Si tu veux grandir, faut taffer. T'es content de remplir ton casier. Les miens évitent et j'suis discret. Eh, bah c'est Tom's. J'espère tomber un roux mon poteau, non. La vie elle a mis des coups de chlasse dans leur plexus. Ils sont posés sur le tertus, moi j'ai mal, j'aurais trop le seum de les voir dans le focus. Parce qu'en vrai c'est des hommes, qu'ont jamais bégayé quand fallait faire des sommes. Ils sont vrais ces poteaux, je te le dis. Et quand fallait se faire mêler, ils sont allés sans les autres. Moi je suis tout seul quand c'est chaud, comme celui qui s'arrête pour que les autres se fassent pas pécho. J'envoie un ceste qui est chaud, et mon pote, je suis à la fac, j'ai jamais géré de réseau. J'appelle Sissi, je fume le caramello, et si j'appelle le schnau, je fume la cookie d'Hollande. Je fais un petit tour en scooter, sur la mer à François Hollande. Baisse la concu, de toute façon, je les calcule pas, comme les quelques euros que j'ai poussé à ton ami. Je suis raciste à ton avis, j'ai grandi avec des Renault, des Blancs, des Herbie. C'est réel à Sahabi, bande de folles, je crois que c'est trop tard pour se mettre à l'abri. Voilà, c'est Tom's qui vient faire la dinguerie, mais au cas où il y a du monde, il se baissera de la partie. J'attends la passe de personne, et de toute façon, les vrais ça, je m'en fous de percer. J'envoie des missiles air sol pour faire des billets jaunes comme le RERC. Bateau pirate entré dans les flots. Bateau ce qui part ancré dans les faux. Vietnay, bonne cassus et remet au chouet. Talon noir venu juste faire au déo. Du sale, c'est tout ce que je sais faire. Echo, écho sur la puce SFR. Je vais la mener cette guerre. Quitte à perdre, quitte à den. Mais avant ça, crois-moi, je niquerai des mères. 9 mois plus tard dans le game que des fils. Le rap plus je rappe, plus je lâche que des hits. Tu as tout va, tu vois qu'ils sont tuba, tuba. J'ai le pied sur la Luna, spatial et le titre. Fuck descendant du sang, je suis un gorille moi. Marche dans la ville, pas comme eux, je suis Godzilla. Dis, je crache, crée polémique comme Monica. La nomina. Reste une piste, c'est ton écrito. Oui, lèche au CB. Pas clitoris, le synopsis procédé en AD et fuck maison de disque de Walking Dead, j'suis la saison 10. Faut qu'ils tiennent aucune raison de vivre. J'ai mes OG derrière, c'est tout faire la guerre, c'est pas pour de la colomie. Ouais, sodomie. Colonie, j'économise. Car on poche pas assez de papier de plusieurs coloris. On m'en propose pas assez de gyros sur le chèque. Trop berger pour ne faire que la chèvre. Roi qui trône, accepte que la chaise. 3000 mots, une balle, mais traduit amateur. La 25ème, on est chaud, on est chaud. Tous les jeudis jusqu'à minuit. Wow. Wesh, le chai bien ou quoi? Aïe. Chaud, chaud, chaud. Bang. Dynastie dans la maison. Ok. Hey. Descendant de Sarrazin. Hein? J'aserai jusqu'à la moitié. Ouais. Je finirai assassin si je me laisse emporter par la force de ma fierté. Wesh, y'a pas de baisse. Niki mec, trop de saisie dans la cabesse. Tu fais le fou, on te blesse, retourne-ci par la veste. Hey, belle force, c'est pas par la vase. Non. Tu braques, deal, t'auras des love. Elle craque, juste qu'elle est trop bonne. Gros, beat, par un bel homme. Ce soir, tu vas te faire fumer par un bel homme. Je nique tout dans ta fête. Tu touches pas si t'es mal faite. Toute fois, je suis arrivé rabataillable. Je suis reparti menotté dans les staffettes. J'ai qu'un solo de première. Mademoiselle, je vous la mettrai par derrière. Laisse parler, laisse ta primaire. En primaire, laisse tu disais que ma race était loin de la dernière. Ouais, nique tout dans la ville à Francis. Bah, les couilles de la vie à Francis. Viens donc chevaucher le cavalier sans tête. Ouais, m'habiter circoncise. Bam. Bang bang. S-I-S-I-I-S-B. Ouais. Eh. Bodo, je veux pas que tu m'oublies. Je suis dans la chambre à Mougli, je veux pas que tu m'obliges à faire du sale. Je veux pas faire souffrir, faire couler les larmes et faire pleuvoir les balles. Au micro j'ai les techniques, les manies ta karmatique. J'ai du bif, j'ai les tactiques, je fais pas de TikTok, y'a la police qui va rapplique. Je vois les aiguilles tourner, j'entends tic-tac. On coupe la quête comme des Kit Kat. 5 du mat, ça décale, portière qui claque. Je mélange Jack et pilon pendant blackjack. Tu fais trop le fou, c'est ta mâchoire qui casse. Je pose un cesse si tu joues une prod qui câble. Les prods sont tous des fous, ma famille câble. Si le zip est levé, c'est Serge qui cabre. Les bleus noués, ils trouvent, ils veulent qu'on canne. Ah! Eh, à la mission, la 25ème, ciao! Ouais! Hey! Ouais, bang! Wavy. Les instruits à Wavy, hein, il est chaud, hein! Ah, mec, elles sont sapes! Eh! S2 et ma gueule! Ouais! Eh! Connais, hein? J'dégaine le gun, à la wall again, ça fait la coste. T'es malade des gains, j'arrive dans le game. Je ferme des gueules, j'vois la concu. C'est que des dégains, par mon cratère, j'ai peur de dégains. J'vais cagouler pour braquer tes gains. Arme à la main, déterminé sur l'engin. Accompagné de mon frangin, la rafale sera fatale. J'ai short une mixtape, elle sera ratarde. La queue me chasse, j'fume ces bâtards. T'as pas de bloc, un peu d'elle dans ton placard. T'as fini de trop, j'me rappelle sur tes côtes. J'investis de la EPU, le reste j'le mets tes go. J'empêche pas tout pour monter sur un braco. Le temps pour que j'sais pas qui, les qui prennent leur conso. Ça dégrave lassé, par nécessité. C'est pas les couilles que naissent les cités. Devant l'OPJ, aucun nom j'ai cité. La violence nous a excités. Y'a les teutrés, y'a les vrais. Y'a que le trio qui m'effraie. Bambino, j'en ai fait des méfaits. Y'a que le bif qui m'effraie. On a le cerveau vif. Depuis l'époque du cerveau lent. J'passe les rapports, cher le volant. J'tire sur le bédo, j'ai cerveau volant. J'connais des bonhommes qui tiennent même s'ils sont homophobes. Sur terrain autonome. Je vis ça des camé monologue. Soutenir tu feras si t'es mon frère t'es l'eau. Tu fais pas la halal tout halal. Si tu fais frère t'es l'eau. Sortez un attaquant. J'ai la frappe à Balotelli. La seule y'a sur le matelas. Solo je navigue comme un matelas. Pour du croco. Les petits vendus nos joueurs ou de la coco. L'argent les a rendus locaux. Je repense à notre époque nous. On se contentait des lotos. On était loin des calibres dans l'auto. Des sourires, des motos en photo. Sans permis j'étais le Sam dans la punto. Puis j'avance dans ma life, puis j'alloue ses boutons. Envie de sortir le couteau. Mais je repense à Dieu et je me dis que c'est coûteux. On s'est dit stade petit on était fouteux. Tu parlais derrière nous, je te disais je m'en fous d'eux. Avec de carambars. Je faisais carambol. On a fait le sous sur le terrain, sur la cour parentale. Les conseils vont pas lasser, c'est pas en table. Non. Ouais, il a retourné sa veste pourtant, il mangeait à ma table. Show S2M, show. La 25ème, on est là, y'a du monde dans les studios. Wesh les gars, vous êtes là ou quoi les gars? Approchez. C'est fini la vie d'avant. Je vénère si tu savais. Les clients défilent pour du savon. Je sens bien que j'ai perdu mon temps. Mais en même temps, le que t'envoies les comptes démontés. Fais nous manger ma gueule, on est plein. Comme Philippe, on veut mailler. Oui, j'suis bien, mais je sais pas. Quand j'ai pas, je veux plus. La semaine à radio, le week-end en studio. Tu me dis, j'ai changé, on s'est jamais vu. Et puis moi et eux, y'a rien à voir. J'vais les allumer, augmente pas le volume. Accusé à tort, un gang sur la tête comme O.J. Simpson. Pour arriver là, on n'a pas su c'est nous. Fais pas le malin chez nous, t'es personne. Il me faut une équipe, du bif, des grosses couilles. Pour devenir des boss, je les baise et je suis le best. T'as pété à une canette, ça c'est la base. J'fume la moula, j'fais des ranges. Vu ce qu'il a monté haut, ma personne m'a aidé. L'enquête de maman, celui qui viendrait me baiser n'est pas né. J'fume la montée haut. J'fume la montée haut. Un peu de pépette, un peu plus. J'ai de gros bonnets, pas de petites frappes. Un peu de paperasse, un peu de buzz. Et ma queue, tu la pipes là. En BM, trop rapide, mais je kick l'an. Dis-moi qui l'ouvre et dis-moi qui l'ouvre. Dis-moi qui l'ouvre et dis-moi qui glousse. Je mange dans la mettre au fond de quelle gorge. En costard, on fait trop ça. Trop trop, on fait trop peur. Et comme au poker, le regard est trompeur. baiser ma gueule. Hey. Eh. Je suis en montant ma gueule. Passe au carré gros, passe à Planoise frérot. Eh. Eh. Je suis à suivre en botox, on te dessert ta potion et t'en redemande. Baila baila 09 de Baïda, non antidote, pas c'est baila. Perquisition musclée, le petit frère bat avec les menottes. À la fois j'étais mouillé, je séchais, marqué absent dans toutes mes notes. Je viens changer la donne, Igo. Le beau grappel sur mon bigo. Sur terrain comme Chicharito, je lui sers la mer, Rico. Du 2-5 au 2-7-0, y'a de l'héros qui fait des heureux. Fais pas l'héros, t'es pas dangereux. Je crois des voyages qui me disent, pas tu gères. Ta place, tu l'auras. T'inquiète, bête tout ton heure. Pour l'instant, je vis à l'orage. Défends le terrain comme Aurier pour des lauriers. Tu dis que t'es un bandit, mais est-ce vrai? Faudra pas venir me chercher quand je serai au sommet de l'Everest. Oui. Chaque allant est-ce que je t'ai cramé tes gays. 2-7-0, ça bibi la white. Si t'es blanche parce qu'il neige la zipette. Je me lève le bar, je tire sur le zdar. Je bois mon cappuccino. Je percer dans le cinéma. Je vais faire des films comme Tarantino. Oui. La varie c'est pas bon, y'a que ton cul que t'as donné. On va venir cagouler. Donc fais pas le gros bonnet. La bomba on, sous le jean j'squarette. La The Do, je visage disparaît. Que des faux gangs, la plupart se disparaît. La nouvelle génération, c'est moi, ils se pourraient. Ils boivent avec mes sons, c'est la qualité. En balte, ils pourris. On a du seum certifié, en balte, ils pourris. Et moi, chérie, j'en ai marre de nos disputes. Tu fais le guetin, ton type clé, y'a plus que 10 putes. J'suis comme une bécane, tu peux me pas venir marrer si j'essaie. Dans ta vie, crois en toi, fais-le au lieu de dire j'essaie. Sans pas de calibre, gros, toi, pas le temps de tirer. J'ai grandi avec des loups. T'as pas le calibre, gros, toi à poil t'en tirer. Déterminé, je suis déterminé. Déterminé, je vais les exterminer. Ça vient de commencer que je vais les terminer. Ça vend la bombe, le terrain est miné. Vais dans ma zone, tu trouveras ce que tu veux. Et si tu payes cash, on sera nous deux heureux. Par on taille dans le four, à la quête des euros. Trop tout dans les mains, moi à la fin c'est zéro. Hein. Bébé, je suis dans la zone, j'attends les Yankees qui passent. La fois je raccroche, TP je bosse, j'ai pas le temps, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout dans la sacoche, la bague filoche. Bientôt je serai le boss, mais pour l'instant je reste à l'affût pour pas qu'on passe les pinces. Je t'appelle après la school, je sais que tu trouves pas ça cool. Mais faut pas que je coule, je suis pas de ceux qui roucoulent. Le charbon fait mal à l'avocat. Si je me fais péter, choisis-moi un bon avocat. Oui. Enlève tout ce qu'il y a dans ta veca. Si tes parents tombent sur le que ça, dis-leur que c'est du féca. Demande du détail, un guetté ayant fait qu'un. Attiré par le mal, j'suis déçu, on en a fait des dingueries pour des sous. Je veux signer des chèques, jamais je vais pas actiser. J'ai même fui, j'ai pas teasé, mais j'ai vu des rêves et des débats, tu sais. J'ai pas de succès, je vais pas te sucer, mais où c'est que c'est, hein. Passe au quartier, le rabatteur va te montrer la C, hein. Et pas à nous, l'équipe ils font que descendre. Je les ai fumés, je la laisse descendre. Appelle-moi la CR. Là c'est trop calme, j'espère que c'est R. Ça sent la CR. La choguettage, j'écris sur la feuille à carreaux. On est loin de l'époque, on était solidaires au carré. Là je pense à mon petit roué, mon daron, derrière les barreaux. La sortie c'est sûr, un jour on va se barrer. Sûr, sûr. Et yo Tika, ça fume la white twito. Dédicace ce son pour les darons qu'on m'a l'auto. J'fais sa mélodie, j'écoute la mélodie. En espérant qu'il n'y aura pas mélodé. J'vis ça dit les John, j'ai Marie Jeanne et j'ai le jaune. J'écoute du Joule, du Billy Jean. J'ai la conce dans le jean. Chez nous ça gile même si ça gèle. Monte le volume dans les enceintes, on s'en fout si ça gêne. Jeune. Un coup de fumée dans la caisse. Blue cheese du cash. Que des charreaux dans la tête. Sors le boy vide la caisse. C'est pas l'en rien, si t'es fait gifler par le yank, ça mon yank. Et ça fait bang bang bang. Je me roule dans ma bank. Je me barre loin du banks. Moi je laisse le micro ma gueule. Je me pose trop de questions énigmatiques. On se pète les lèvres devant des écrans. Depuis le passage à l'euro, plus personne n'est franc. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Sans sur mes mots, si tu veux, de toute façon plus rien ne m'émeut. Parce qu'un niqué des mémés jamais à demi-mot. Fous les dinero et puis la chatte à demi-mort. Ne parle pas de mémoire ou je te fais du sale. Sarbi, je t'avertis, je demanderai pas la vie de ta mère. Si t'en prendrais la vie de ta mère. Trop de phases faciles dans le rap, c'est franc. Je les mire, ça s'assume. Pas besoin de faire de la street. Mirsa, Mirsa, Mirsa, Mirsa. Mirsa à l'ancien. Merci, merci, merci. Toujours Mirsa. c'est toujours Mirsa. Et c'est tout. La 25ème, 101.8, radiosud.net. Ok, c'est OM. Ça fait. Comment? Je suis préparé à la guerre si tu déclares. Si t'es taré, on est pareil. Mais le message, toi, tu le déformes. Tous ces garés, je viens me garer. M'emballer, je fais plus d'efforts. Tous ces garés, je viens me garer. M'emballer, je fais plus d'efforts. Je vais ramer tous ces gars. Pire de chouette comme toutes ces baleines. Mais les meufs, c'est tout des connes. Pour un stick, tu peux la ken. T'es net, tu crois que je déconne. Y'a trop de choix, tu veux laquelle? Blindé, mais j'ai la clé. La beurette ou bien la crème. Ce que t'auras, ouais, c'est la crème. Tu vas prof, mais je fais la peine. T'as pas de couille, tu fais l'homme. Je te carotte, tu fais l'homme. Tu nous douilles comme Feller. Mon savoir refait l'heure, mon savoir refait l'heure. Sans horloge, on s'élève. Les copains de meufs, on a sali. Mais l'addition sera salée. Je te gagne la veille, et puis salut. Dans une schneck, je vais m'installer. Salut. Et si tu me cherches, je suis dans le saloon. Mais pourquoi t'es ta? Viens, salut, mais je te le répète ta. Viens, salut, mais si je perpète ma salaire, et je fous le bordel. Comme un bar à pute, nique toi, je me barre à plus. Victoire, on parle après sur lit. Store, tu parleras plus sur lit. Store, tu parleras plus. Le hey, fait ne vaut pas la peine. Le hey, fait ne vaut pas la peine. Nique t'es mort, on vend la pure. J'suis ma lunette pendant les clips. Viens t'allumer, je vois les flics, ne fais pas le grand, t'as pas muet, là t'es miette, t'envoies des pics. Hein, tu veux jouer, t'as pas d'équipe, mais si tu perds, y'a pas d'excuses. Et si tu perds, y'a pas d'excuses, j'appelle Raider, sois là. Et si y'a en pouce, sois là, étoile là. J'prie comme une étoile, et j'crée un décalage. Quand tu perds tes valeurs, abolis l'esclavage. Mon bonheur vient malheur, j'vois que des beaux parleurs qui racontent des salades. Ils sont pas brésiliens, sur le raté te balade. Chaud. Ah, Blop, pour sa nuit. Comment aïe. Clic. On enchaîne. T'as laissé la même là? La même encore là. Je remets celle d'avant? Non, faut une autre. Remets celle-là. La remets. Ouais, faut une autre. Tourne les instrus. Mais une autre. Mais une autre. N'hésite pas. C'est reparti. Ça va kicker ça, les gars. Radio Besançon Sud. N'hésite pas à checker, 101.8, aïe, FM, bang. Y'a du monde autour, il fait chaud dans la salle. Vous êtes là ce soir les gars ou quoi? Na watu wa flow yangu partus. Ya rim na flow tana mavre runka vutarlus. Westsider de Tupac Shakur Amaru. Kula shombo abega wa yejolaru. Tito tunga tena mbwa tina lugaru. Livangue interior wa sheliziraru. Tisina beya tamziro hori mimba ya bigi. Tito ula mchuba bati marke betingi. Efe ya miziki yangu hori mauli da shenge. Tinei shengwe watawante shingin ha ma enmi wangu da to plenteo concurrence ni si penetre da banan planta ojo kawa jivize ne kawo kamwe ya machasur wa miboro ni baki lapa sur ma baston Nicky Larson legendaire horde Tupac na Michael Jackson savani rangwa zade wa kuvura Benson le wosti ya joni Holy Simpson tiro check tout ça c'est ça. Frérot, ouais. 9-1, tu connais. Aïe. La 25ème, session freestyle, y'a du monde, 23h39, on est là. Ouais, mais... Je lis la tour, qui met la calache. Aïe. Hein? Les réparaya ou ma valida la onjoli la tour horike me la kalash. Mangambiti tu neuro ma bala ka fadelika gangi ya roya zama. Nafara mourjore zaziki mama fikira mengi son hangu vachama. Fakta jiri se beo jama la wam kirimbe de koro pa jimo. Oh, autonomitsi na neka en réserve. Oh putain, pulo, refais. Check. Radio Sud, Besançon. 101.8, check. Ready. encore fumé le galop. Hey, hey, hey, hey. Hey, Les repara ya wama valida la onjoli la tuhori keme la kalash. Mangambiti tu neuro ma vala kafadari kadangi ya royozama. Namfara murjo heza ziki mama fikira mengi son hangu vashama. Tarta jiri se bel jama la wam kirinba ne koro pa jimoa. Oh oh, boto no mitzi na neka arezev. Rapeshi maori yangu ya bales nzea ni vavo chitojo na kale. Wende se madama hursumo ya kalen. Wakati wende tik tak tik tak usindunga. Bemadara jio yangu ya sutilia sifa nisi zona. Kabla uvira neka kwa futa uzi utoke mbati kada goni. This mom if any GGB condition cat viri shoni. Vaka mujare vaka viri linga na tupia si ori shoni. Wase wana si dey chemin. Siki chignon. Hey. Wow wow. Hey. Tiens, c'est qui prend la famille? Hey, non, c'était Y. J'ai quand t'es pas sur le but. Bang. J'ai quand t'es pas sur le but. Sans fait. Hey. Hey. Hey. J'ai quand t'es pas sur le but. T'es quand t'es gens pour ma but. L'arbre à moi que j'abrite. Obligé à tout niquer, disparaître dans la cervelle sur la brique. Ouais, moi j'suis né en Afrique. Nique ta mère, toi et ta frime. Toi et ta prime. Obligé de sortir le pompe à mi. Ton continent prend le même pour une pompe afrique. Hey. Rap sans sévère. Sévère. Rap sans ZRF. Braque sans CL. Mon gueule de passera le CLM. J'ai autant d'inspiration. Qu'un camp de concentration. Je vous fais les présentations. Moi c'est Dina si je n'ai eu que faire en guise de compensation. J'ai pressé ta la manche chape. Seul à mes coups, j'y péchappe. Personne n'y échappe. Défonce le rap comme une chatte. Je fais la guerre nique tes chartes. Rap de soldat nique tes chartes. Rap pas, j'suis dans le gaz, ouais. Partenaire avec le baisse, ouais. Carba, dans ton place. Et t'anglaise, ouais. Tu décapites ton crâne, c'est des trophées. Mon dieu du haram, j'en ai beaucoup trop fait. Tu n'as pas de goût, t'as le goût, t'as le trophée, j'ai trouvé. Béa! Rata, la vache, j'ai rata! Hey, j'arrive en bas dans la fête. Pourquoi je serai dans la Tesman? Bientôt me faudra ma Tesla. Tu me vois arriver dans caisse noire. Je laisse mes hommages dans la réserve. Je m'esquive avec une mannequin. Le temps que j'ai du minimum. Hey, évidemment que je n'ai pas le droit. J'avais pas les bonnes cartes, pas les contacts. Gramme pas deux heures sur le contrat. Hey, j'arrive de jouer sur les dans les bombes. Hey, j'ai un pur plan purple. Si tu veux t'en aller, moi j'ai plus le temps pour toi. Si tu veux te marier, faut des putains d'euros sur le butin. Faut des putains pour m'évader dans la face boy. Il faut combien d'années pour que je les wet boy? Grandis au milieu des escrocs. Hey, grandis, j'évite les blêmes gros. Hey, j'écris mes blêmes sur tempo. Hey, je m'en bats les couilles si t'aimes pas. Oh, je finirai quand même mon j'aime pro. Hey, tu seras toujours dans le rétro boy. Wow, yo, ça fait genre. Hey, quand je crois que je te pète, quand je pars en bas, ne m'attends pas. Je n'ai pas le temps de parler, ça fait bien trop d'années qu'on est pareil. Je n'ai pas le temps de donner à des aspects. Hey, avec l'équipe, on fait des passes des. Mes histoires comme les Aztecs. Hey, frère, unis comme dans les jambes. Hey, tomé comme si c'était 30. Hey, on va vous visser les jambes. Hey, on reste toujours élégant. Je mets les gants, je mélange la position. Quand tu parles gros, fais attention. Quand tu l'obtiens, augmente ta pression. Quand je rappe, j'augmente la tension. J'arrive pas dans la mêlée, je baisse du pute. Ouais, devenir un homme, mais moi je sais que c'est dur. Soit un homme veut pas dire lèche des culs. Ou violer quelqu'un quand on sait que c'est dur. Boy, boy, on est rapte ce soir, les gars. Ça fait quoi, y'a du monde dans la foule. Toi, du monde dans la foule, ça fait du bien de kicker. Merde. Hey, hey, hey. Je crois personne va la kicker. Vas-y, aidez. Personne va la kicker. Si, si, si. Personne va la kicker. Si, si. Et derrière, c'est le crew. Kanaïler, puriste. Merde, merde. On leur montre c'est comment. Bang, bang. Hey. DRF. On a fumé la troc. Montons en l'air pour les flics et la proc. L'état a vidé mes poches, mais pas causé sur approche. Un jour je vais péter la porte, celui-là pour péter les portes sa mère. Là c'est à notre tour de finir blindé. Demande à DH quand on prend les PH, on a les lunettes noires, l'IV teinté. J'fais mon oseille quand c'est pas illégal, on voit que la moitié part dans les caisses de la France. Moi, j'ai visé l'état, mais je m'arrêterai qu'une fois qu'il n'y aura plus rien à prendre. Ça devient embêtant, dossier en béton, j'aurais pu bloquer dans le brouillard. T'es ma suis partout, t'es dans ton bendo et tu vois béton, sale trouillard. Accueilli partout, ouais, par les mecs de cité, autant accueilli par les mecs sous son panne. T'es ma, besoin que ça pue la street, j'ai prouvé à des meufs qui nous traitait de campagne. Hey, hey. Putain que ça pue la street. Hey, hey, hey, hey. SLF crew. Ok, ça fait. Hey. J'allais mal mener, mani mani, sort du mal à mal à péter, j'ai dit mal à tout tout tout. Ça va sur mon cellphone, dans ta foufoun. Mal une mal une opinion sur la tout tout. Vise le mille pas le mot, les mini par le mille, mille, oui, il fait le mal à tu manges le coude coude. Demande pas ça, on va prendre tout tes cool cool. Hein, j'ai l'embête sur lui du coup coup. Papa, que tu n'arrêtes pas de parler, t'as versé tes palabres, t'es soupé la merde, vas-y coup coup. Je débarque avec lui qui bouge pas la frère. T'as bien vu par hasard, j'ai l'enrêve du crasse pas les coudes couze. Mes gars sont des glaçons, pas de ceux que nous déclassons. Pétant sur mon pétant dans le caisson, moi je t'façon. Y'a que pour les grosses agrates, nous nous déplaçons. Les culs, les couilles, les corbeilles, mag, nous les cassons. Les tolls, les stories, les bifs, nous les tassons. Bien caillé pour les boys, on marche dans le caleçon. Calme les, je devrais y penser, ouais, mais bref, passons. D-I-N-A-S-T-Y, pétasse. Manuela, elle est ma avec grande classe. Hey, hey. Ah, ouais, je qu'elle passe. On s'allume, on s'élimine. Hey. Entre les saluts, faut s'allumer. Bang. Dis-leur que leur passe, c'est le meuf. Ça va les calmer, un seul mot. Pas des cinémas, c'est le mot. Des actes, de la deux mères, faut que ça échappe. Trop sonné, je traîne solo, je suis silencieux. Mais l'ancien est démentiel, hey. Tout est la scar, qui subisse, hey. Nous devant personne, on se rabaisse, non. Hey. Tous les vrais espèrent que le s'unisse. Mais de tout, ils seront dans la thèse, Jean. Perds mes mots, donc permettez-moi de ne plus m'en faire pour nous. Car je ne vois plus que l'enfer, c'est nos cerveaux qu'on renferme. Y'a que sur les réseaux qu'on est sociaux. De ton voisin, faites te méfier, hey, hey. La 25ème, ciao, Banks, Junes, Banks, Banks. Baby. Yo, yo. Yo, eh, yo. Eh. Je veux pas me décaler si t'arrives. Chez toi t'es taré, c'est ta Yves. J'ai passé année à préparer le tarif. Laissez place au canet, on a placé le baril. Bezak et Paris, c'est Beukrak et Para. Sac à parer, les celliards des parages. Tes vieux gars vont s'arrache. T'as qu'à parier, haut du panier, t'es au fond du garage. Gage des saillets, rien que tu rages. J'enclenche des calés, passe des scannés. Cette année je nage car stagne me gaffe. Et ça de l'école au cache d'escalier. J'ai gagné car je vais garder le cap et pas m'écarter palmier. Balle les pattes, je réclame mes parts. Je veux ramener le cachet, me barrer. Ouais, ouais. L-Y-O. Purifist. Purifist. Hey, hey, hey. Il me dit pas je t'aime. Bang, bang, hey, hey, hey. Bibi la bebe, bebe la bibiche. Ferme ta gueule, m'appelle par Bibi. Sky dans la bibine, les bang bang, les bim bim. C'est son homme de tal comme Bibi. Nique le rap, le jazz, le bebop. Me cracher quand sous un petit bop. Me cracher pas si loin du gros message. Je baisse comme un gros corps dans une petite drop. Zigzag dans la city comme un taïr. C'est l'amour taïf. Pédasse. Car tes raisons ne haïrent pas pour l'ennemi. Cet enculé peut pas me trahir. Hein. Ça parle, j'y bled dans la douma. Mes pères dans la dounia. Roule gros, j'ai un gros brouillard posé sur la luna. Constate que mon IOS dégrade aussi rapidement que celle de la Ouma. Bah ouais. Les points sont plus efficaces que les lettres. Ça faudrait l'admettre. Sachez qu'ici vos maîtres veulent le pouvoir. C'est pour pouvoir vous la mettre. Le pute part de loyauté. Le meilleur sa mère, c'est jamais failloté. Chute quand je parle pour de quoi noter. T'as la couronne, moi la royauté. Dis pas, je t'aime. Sur ma bitch, à ton gloss. Non, non, ma tête mais sera jamais celle de ton gosse. Ok. Mais cas problème, je t'aime pas trop, mais je deviendrai quand même ton boss. Très lourd sur les parcs qu'on endosse. Ok. Tu veux du mal que Dieu te blesse. Ok. Viola, viola, viola, viola. Baisse l'ennemi tout en rigole. Gola. Elle veut sucer un des ailes. Rappel, voilà, voilà, voilà, voilà. Bang, bang. Mais cas problème. Tu veux du mal que tu te blesses. Ils veulent m'approcher toi d'ici là. Je te baisse ta grand-mère en d'ici là. Ton équipe est d'arca comme un médecin. Fais précité si ma pète en s'apprécie là. Bang bang. Bah les couilles de comme ma quelle les lèvres. Oui la oui à la queue le calme et les lourds à poser sur une queue de rebeu. La bas Bartiti c'est gros néné. Je remplis ce bâtard, dis tel bâtard. Sur la grosse bouteille, je ne pas toi. T'es une fille belle comme ta bâtard. Je suis au 4 ces fils de pute à battre. Nique de merde toute l'année, rien à faire par ça. Je me perce, je m'en perce dans le perso de la patate. Je me parle à trapata avec ce perso ta patate. Mais Kemal c'est trop pété. Parle pas, t'es trop pété. Ok. Ton rap, je l'ai inspecté, je l'ai fauché, respecté. Je l'ai qu'un sans le respecter. Parle que je suis fou, les m'daoui. Cojones dur comme ce Derry. Tout est MC, je vais s'y dérer. 200% de ce Derry. Dis pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sur ma bouche, c'est ton gloss. Non, non, ma tête, ça sera jamais celle de ton gosse. Salope. Non, non, ça va. Vous êtes là les frères. Radio Sud. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Check, check, check, Radio Sud, Besançon, 101.8. Check, check, check, check, check. N'hésite pas, 101.8, Radio Sud, Besançon. Show, 23h48. Ça va faire des heures sup, hein. Je vous laisse, je vous laisse. Fort. Je vous laisse avec Jounes. Wavy à la prod, depuis le début. Aïe aïe aïe. Ça compte pas la prod, ça compte pas. Je rêve la tournée en vaneux, en la route. Ah. Recommence, recommence mon gars. Hey. Show. Ok. Show. N2. Hey. Je rêve la tournée en vaneux, sur la route j'écoute tu viens. Non, non, non, poulop, poulop, poulop. Poulop ça. Yeah. Auréole absorbé par la capuche. Irréel la gorge et soin de ma capoche. On t'a moche si tu viens faire grabuche. J'étais moi t'accuse, tu mérites la taloche. Évite la galoche car elle a trop baluche. Un très gros baluchon de videuse de baloche. Vicieuse et pas moche sur ta planche, fais de la luge. J'ai fait viser sa lune à quatre pattes dans la loge. Loge, logique, on les écrase, on les mécrase, on trop lèche. J'rappe sous extraction de pollen. Pas besoin d'estrade, d'autres molestes. On dégrade, on proteste, on fait le taf, on progresse. On flé grave, on connaît, ça fait croire qu'on dormait. Avancer les projets en sous-marin. Goûte ce qu'on a concocté à l'écart de mon côté. Avant que t'es les crocs, mets dans le four gamin. L-Y-O. Banks, Banks, puriste. Bang, bang. Je rappelle, je m'en bats les couilles. Je rappelle, je m'en bats les couilles. Pense à la base, parce que je m'en bats les couilles. Ouais. C'est tous des youfs quand je les écoute, mais pour leur j'ai dit tout ça, t'en dis tous. Jazz Eric comme Barbarossa. Ah, bah, c'est ton fou Carossa. bitch, car tout est poussa. Moi, je veux Pécasse, nique tes sarosa. Ben dans ta dans le pogo. Mais cojones, est-ce qu'il faut complexer un loco? Happy bon, mais bon, juste une poco. Tout c'est calme pour mille propos. J'm'en bats les couilles, j'm'en bats les couilles. J'l'ai la carte, lui la toto. Toto, je ferai du mal pour mes potes, vous m'en faire si j'péter le loto. Bang, balai m'allumer, m'animer des injections. Moi, j'fais l'action, toi tu fais l'action. J'arrive avec le point des erreurs sur le taux. Oh, j'pète la barre d'extra, j'suis traction. Tout finit par se séparer. Comme ton nom de c'est la raison pour laquelle mon cœur se tape avec mon cerveau pour avoir la garde de mes couilles. Bang, bang. Hey, D-I-N-A-S-T-Y, pétasse. Rap ta veillette, rap ta veillette. Vas-y, arrêtez, vas-y, rap. Vas-y, Malo Wessou. Hein? Bah attends, mon pote, je vais poser ça le bâtard. Oh, attends. Voilà, mon pote. Hein? Yeah. Oh, c'était avant l'interview, ouais. J'ai esquivé les barreaux, même si pour moi c'était mal barré. Et j'irai vendre de l'héros. C'est pour que maman ait son palais. Je vais les baiser, les soulever, les empaler. Des asbas, j'en ai tant calé. On va faire le peser s'en aller. Je pète un gros zéro comme Bob Marley. La dition sera salée. Chante j'allais, flamme comme Gavin Harley. Est-ce qu'on va s'en tirer à la Wahlem? Je fais la mala quand je suis secrène. Elle fait la halal mais je les ken. Des aides, je fais pas l'américaine. Je préfère Khalas à Eminem. Je cassais des couilles, j'étais mineur. Hey, dis-moi qui c'est qui part. J'ai vu des kech avec des kippas. Des équipés, équipés comme la Kika. Des harbis plus gay que des picards. Et wallah, si tu testes, t'y passes. Quand ça ZF, elle était cette part. Je mettais 0-7 dans le 10 balles. Nique ta mère sale kech si tu fais la diva. Et je dévie, ah ouais, je divague. Le mal me défie, me diva. Bibi de la kech à ses petites tasses. Je fume de la frappe, pas de la médicale. Je suis ZF, je ne médite pas. Et j'aime les schnecks et t'y rap. Je convertis mon pèse en dinar. Nique la grand-mère au premier qui parle. Bang. On est reparti. Ah. Tiro, moi les frangins, moi je rappe pas ma langue. Hein. Normal. Je comprends pas, mais le flow est lié. Normal. Ah. La 25e, 23h52. Ah. On est toujours Tiro. Là. T'es pas terrorisé par Xenon. Piro. Piro. La mets trois fois. Écoute. T'es pas terrorisé par Xenon. Une classique, un guinavon carno. Qu'à vous retenir, Fanny, leur convocation des ajadza. P.A. Carnis, collé, rorobolé, mori, ours, polé. Rangoutitine, la pote, ça nous fume, wahenye, salbawan, be pistolet. Koutonne, galen, sou, on a roulé. Madame de Karebe, madame, ça m'y baya, hey, kero. Voici des walem, bawashe, wawabalen, rani, tu hori, Guantanamo. Atani, miren, son amon, amateur, hein, bakweli, ubishi, ou comment. Sure, ma hori, kange, vondise, wazade, ne kasha, oule, comment. Sila wa mangaju ni vuli kefete ta waunda mbeli zangu zona kuti utande meshokeza disna manager weda to rambera ngavi ni kute MNJ kojo ripare jito fundisa u rape MNJ kojo ripare jito fundisa u ah mon bebe ata ni rentre tana mapirati ni sinavige na uzungu wa marke alala shitanda ni weke ato venza pare kala bere o yangu itamali faridini gao mala ah mon bebe ata ni rentre Sana mapirati nisi navige na uzungu wa marike Alala shitanda niweke ato venza pare kala Bero ho yangu itamali faridi niga umala Silala garda vilera wantu wa wako fanya la fete Tidiele zamba kavu victory nika kavu defet Nenda weke neka wonomba watu wa homa dread Pia siri tofa suku yan pia siri tola per Fanya la fete suku ya bilirli hizana kamwe Karaju taberi njia na mbubu wana kamwe Raini ya mbari sulisha mungu atori swami Kula bandi ukana mjora shindro stami Sikamu na kufaro na konda gori bila tasa komaisi Bute ya mzuri watano iba kipindi sabu umaizi Tilo para wanyanguri loketi vahanu rakopana Tia siri rimbala rilungana pia sirakopana Ouh, ouh, c'est ça. Show. Ouais, ouais, ouais. Je la gagne. C'est bon. C'est bon. Ok. On va pas sombrer, on va pas se laisser guider. Perso, je veux satiller telle une amétie. J'ai trop vu les yeux de maman triste, voyant son fils échouer. La hure, la hesse nous a pas loupé. De l'été à l'hiver, positif au salivaire. Sous une capuche dans un bat vétuste, lui il me fait le robuste. Là y'en a assez, là je veux m'exprimer, là je veux m'en tirer. J'ai vu des proches qui s'accrochent, malgré qu'il y a pas one dans les poches. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Yo, merde, genre. Hey, maman n'a vanné que les stats, wow. J'écoute pas les rages, rager. Maman n'a vanné que le boy. J'ai le match enlevé, j'ai la rage. Moi j'ai tout fait dans la salle du temps. Être meilleur, ça prend du temps. Je prends plaisir à les gifler. Et pour ça, il faut du cran. Moi j'étais mon taf égaré. Gros, t'es pas préparé. Ouais, j'irai loin, mais je ne vais pas m'égarer. Vous pouvez tout faire, mais jamais vous m'égalerez. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. J'ai des cœurs de maman. Je suis sur la piste de lancement. Prononce pas mon nom. Oh bitch, comme si j'étais Voldemort. J'aime pas ta bitch, j'ai levé de money. Hey. Mais c'est rien tant qu'elle le suce dans l'escalier. Hey, yo, je suis dans le vaisseau, mais ça repart, ça repart, on la refait, vas-y, je la recommence là, non? On va s'amuser. Ouais, j'ai le micro, je le tiens, je rappe, il est presque en train de tomber. Ouais, ça c'est. Hey, merde. Oh, je peux entendre un peu plus la prod, mon ami? Genre, ok, ça en fait genre, yo. J'ai la dalle depuis minuit. Je n'avais qu'un truc en tête. Le terrain est miné. Mais je mène toujours ma quête. J'ai quelquefois dérivé normal que les darons s'inquiètent. Je roulais ma poste dans la rue et je les rencontrais. Elle ne m'a jamais quitté, c'est ma wife. Entre autres, wow, jamais dans ma life je regretterai cette rencontre. Ouais. Je me rappelle toujours de mes premiers pas. Des mauvaises langues qui parlaient. Tant qu'on est ensemble, on va être tous les barrages. Bah, trop de faux, trop de mauvais dans les barrages. Trop de cons, j'ai trop donné pour vous connaître. Je n'ai pas là. Si vous pensez à m'appeler, je suis pas là. Bye bye. Ping. Ouais, mais c'est feinte la prod, les frères. Vas-y, tu peux pull up ça, frérot. Même les frères, ils ont l'air un peu. Tu peux remettre la prod d'avant, là, s'il te plaît. Ouais, un truc comme ça, un peu plus énervé. Eh oui. C'est bon, il va plus tomber. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis foiré en bonnet. Ah. Peut-être que j'ai plus rien à dire. Ou peut-être plus simplement que je sais plus quoi dire. Ah. Bye bye bye bye bye bye. Peut-être que j'ai plus rien à dire. Ou peut-être plus simplement que je sais plus quoi dire. Peut-être que j'ai plus rien à dire. Ou peut-être plus simplement que je sais plus quoi dire. Découpler des cours dans ma tête. Pas tout dans mes poches, tu viens me parler de partir. Frère, je calcule plus tes rappeurs qui s'inventent des vies, qui parlent de Rafale et l'autre. J'ai des sauces, les mains dans le Rafaello. Et des autres qui ramènent ta copine au Tello. Parle à Gavi ce soir, il me dit d'envoyer 2-3 rafales sur le net. Mais poteau, je leur fais écouter un son. Si c'est nul, ils disent parce qu'ils sont honnêtes. Là si j'appelle Mougli, je peux me poser 5 heures chez lui et rien raconter. Parce que c'est comme ça la famille, t'es au fond du puits. Normal ça t'aide à remonter. Moi c'est mes sangs, je les aime, rien faire avec eux m'a jamais dérangé. Je peux pas ressentir le danger, je sais que personne va courir, que les coups vont s'échanger. AISB ça kiffe, les bains, et les têtes à tête. Jusqu'à ça monte des techniques en équipe, des gauche-droite synchronisées pour te faire ta fête. Là c'est Tom. Ouais ouais, pull up ça. Narcus, hey, Narcus. Y'a moyen de pull up ou pas? C'est le 2-5 ma gueule. 2-5 triple 0. Tu vises les heureux, nous les heureux. J'suis pas sur le navire mais mes pirates y sont. J'suis pas sur le navire mais mes pirates y sont. J'suis pas sur le navire mais mes pirates y sont. J'suis pas sur le navire mais mes pirates y sont. Est-ce que tu veux te faire le capitaine Yvan Tesso? Je suis pas sur le navire mais mes pirates y sont. Est-ce que tu veux te faire le capitaine Yvan Tesso? Ah ouais t'es souple, ah ouais t'es fort. La rafle se perd des couilles, on retrouve des corps. La violence sur mur blanc, voilà le décor. Ici t'es vivant que quand tu meurs. Et si tu clignes l'œil, nous on voit la peur. Tu parles trop, on te voit l'acteur. Un fils qui meurt, une daronne en pleurs. Une daronne meurt, une famille en deuil. Le froid de la ville fait trembler la ville. Chacun son heure, c'est une épreuve de passion sa vie. Du bon chemin j'ai pas vu la voie. J'ai suivi conseil du mieux l'ami. Il m'a dit que la route de l'aveugle, je crois, je suis perdu sur route aride. Ouais. 2-5 triple 0, tu vises les heureux, nous les heureux. Quand on gagne, on perd, nous, ils sont en chien, on est des loups. 2-5 triple 0, tu vises les heureux, nous les heureux. Quand on gagne, on perd, nous, ils sont en chien, on est des loups. Depuis tout petit, j'aime le fric.